Le 7 septembre, divers milieux sud-coréens ont condamné catégoriquement les autorités sud-coréennes qui ont effectué de force l'installation supplémentaire de SAD, suivant la demande américaine. Le représentant du Parti pour la justice a averti qu'on payera cher l'installation supplémentaire des rampes de lancement de SAD, alors que le Parti uni du peuple et le Parti vert ont publié des commentaires pour demander à l'actuel gouvernant où est le président qui a promis de continuer l'âme du rassemblement à la bougie. En outre, la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques a fait paraître un commentaire, tandis que la Solidarité pour le progrès a lancé une déclaration. Elles ont dénoncé que l'actuel pouvoir, né grâce à la résistance à la bougie, a livré de force et définitivement la disposition de SAD. Par ailleurs, les habitants de la base de SAD et de ses environs, les bouddhistes Won et les citadins venus de partout de la Corée du Sud se sont réunis à l'arrondissement de Songju de la province du Gyeongsang du Nord pour organiser une conférence de presse contre les autorités qui ont poussé de force la disposition supplémentaire de SAD.